J'aime ces doux oiseaux qui promènent dans l'air leur vie et leur amour, et plus prompt que l'éclair qui s'envolent ensemble. J'aime la fleur des champs que l'on cueille au matin et que le soir au bal on pose sur son sein qui d'enivrement tremble. J'aime les tourbillons des danses, des plaisirs, les fêtes, la toilette et les tendres désirs qui s'éveillent dans l'âme. J'aime l'ange gardien qui dirige mes pas, qui me presse la main et me donne tout bas, pour les mots, un dictame. J'aime du triste saule au soir muet du jour, la tête chaude encore, pleine d'ombre et d'amour, qui se penche et qui pense. J'aime la main de Dieu laissant sur notre cœur tomber en souriant cette amoureuse fleur qu'on nomme l'espérance. J'aime le doux orchestre en larmes gémissant qui verse sur mon âme un langoureux accent, une triste harmonie. J'aime seul écouter le langage des cieux qui parlent à la terre et l'emplissent de feu, de soleil et de vie. J'aime au bord de la mer, regardant le ciel bleu, qui renferme en son sein la puissance de Dieu, m'asseoir toute pensive. J'aime à suivre parfois, en des rêves dorés, mon âme qui va perdre, en des flots azurés, sa pensée inactive. J'aime l'effort secret du cœur qui doucement s'agite, la pensée au doux tressaillement que l'on sent en soi-même. Mieux que l'arbre, l'oiseau, la fleur qui plaît aux yeux, le saule tout en pleurs, l'espérance des cieux, j'aime celui qui m'aime. Jules Verne.